Plus de vertu me supplie et tu me livres un dilemme. Croire que je t'adore, entendre que je te blesse. Le soleil peut-il peut-être cesser de caresser son empire, ou la lune s'égarer dans son regard errant? Une feuille de tomber amoureuse. Tu as entendu que la vie est sacrifice, mais nous avons tous deux été généreux. Bien que des mondes nous séparent, l'univers tu as entendu que la vie est sacrifice, mais nous avons tous deux été généreux. Bien que des mondes nous séparent,